C'est la crise au Mike Mecca. Je me suis fait tout seul, j'ai compté sur les gens, j'ai fini tout seul. Plus de bonjour, plus de nouvelles, amitié gâchée, jetée à la poubelle. Je suis de Marseille, ma vie n'est pas plus belle. Je suis du quartier, j'te prie de t'écarter. À venir flou, je me suis fait tout seul, comme ceux qui partaient, voler ou carter, voler, écarter, vos ailes à la police. Votre PD roupelle ton police. C'est la crise au Mike Mecca. Nique les giro de la police, nique les giro de la police. J'ai les mêmes cheveux que Broly. Je me suis fait seul, j'suis dans ma folie. J'suis fier, j'm'entends dans tous les bolides. Tu le sais, solide. Qui t'a dit que tout est fini? Autour de moi y'a pas de pute. J'les vois que ça caquini. J'parle pas de Lamborghini. J'parle pas de son bikini. Oublie-la, oui, tout est fini. Oublie-le, c'est pas ton ami. Oublie-le, c'est pas ton ami. Il fait trop de manie, que de la mythomanie. C'est du Tony et Mani. Pas d'héro, pas de manche, pas de cachet. Pour les frères forts au cachot. Caché par les murs qu'une envie là juste lâche lasser. Vas-y passe-moi le mic. Que j'innove sous bonne. Profite pas le James Bond. Ton top c'est de gratter des blondes. J'suis pas la star en boîte de nuit. Au check chez moi j'fais pas le Tony. J'ai pas pris la grosse tête. Tu m'as bien vu le gars to me. Tu veux le golf sport, mais t'es fou, tu braques pas. Tu fais le mec, mais c'est faux, tu brasses pas. Fais ton rap, mais les casse pas. Tes potos, ne les casse pas. J'prends une liste, j'y prends sans lui, me dis même pas quel âge t'as. Ne fais pas trop ton fils. Regarde comme un fini belle. Laisse pas traîner ton fils. Ça peut devenir un criminel.